Dernier bloc pour cette semaine. Écoutez, je vous invite tout simplement à aller faire un tour sur ma page Facebook de Canrock. Toujours beaucoup d'informations. Vous allez sur Facebook et vous faites C majuscule A-N, Trédignon, R majuscule O-C-K. Canrock, C-A-N-R-O-C-K. Et il y a un petit clip fourni par l'APCM. Très intéressant, petit clip de trois auteurs, compositeurs, interprètes franco-canadiens à découvrir. Et j'appuie ce message-là. C'est un petit clip avec Suzanne Kennelly, Danny Boudreau et Ariane-Marie Clemire qui parlent du métier, comment est-ce qu'ils sont venus à écrire des chansons, c'est quoi l'important, d'où vient l'inspiration, etc., etc. C'est vraiment très intéressant comme clip. Donc, allez faire un tour sur ma page Facebook de Canrock, C-A-N-R-O-C-K, et allez voir ce petit clip-là. Je trouve ça vraiment là, très, très, très bien fait. Donc, vous allez rencontrer trois auteurs, compositeurs, interprètes très talentueux. M. Danny Boudreau, bien sûr, grand talent de ce côté-là. Suzanne Kennelly, sur le tard, a décidé de faire de la musique jazz. Ça sonne très bien. Et Ariane-Marie Clemire aussi, très bonne auteure, compositrice, interprète. Suzanne Kennelly est de Winnipeg, je ne me trompe pas. Et Ariane-Marie Clemire de l'Alberta. De Edmonton et Danny Boudreau, bien sûr, des Maritimes. Ben justement, on va y aller avec le blues des boîtes en carton de Suzanne Kennelly. Après quoi, on va entendre tout simplement « Toujours l'eau » de Ariane-Marie Clemire. Mais parce qu'il faut commencer par une chanson souvenir, « M'amuse » Marie-Josée Ouimet, et oui, avec « Litanie pour l'été », très, très beau blues. Oh, le blues de tes boîtes en carton empilées du plancher au plafond. Elles attendent ton départ et me disent c'est pour de bon. J'ai le blues de toutes mes illusions. J'ai le blues d'avoir cru à tout ça et de voir ce qui reste de moi. Une épave d'un bonheur que j'avais imaginé. Tu t'en vas avec le mobilier. J'ai le blues t'avoir écouté me redire que tu saurais m'aimer. Tu m'as promis mer et monde, mais ne faisais que passer. J'ai le blues de mon cœur piétiné. J'avais su me plaire, je me suis battue contre les courbes, contre toutes les douceurs. Mais l'autre jour, je te sens à nouveau. Tu travaillais au resto pendant que moi j'écrivais, je regardais de mauvaises comédies, téléromans en t'attendant. Je t'attendais dans notre deux et demi, avec les carottes et le rôti, les pommes de terre, dîner sur cuit. Je réchauffais le lit, mais l'eau toujours longue. Et on recommence à nouveau. Le soir on jouait à la famille dans notre deux et demi. Si je t'avais laissé faire de moi une femme, années 50, si je m'étais laissé t'aimer à fond, nous aurions eu un garçon. Mais l'eau toujours l'eau, et ça recommence à zéro. j'étais distraite, perdue à me reconstruire. Si je m'étais laissée devenir longeant le lac, le dos aux montagnes, avec toi, je serais montée plus haut. Et l'eau, toujours l'eau, j'aurais su respirer. Une autre de l'Ouest canadien que j'adore énormément, Ariane Marie Clemire. Elle a 3 albums, si je ne me trompe pas, à son actif. Je pense qu'elle commence à travailler sur un prochain et c'est vraiment intéressant. Elle est guitariste, auteure-compositrice, interprète vraiment là, très talentueuse, très belle voix aussi, très belle personnalité. Si vous avez la chance de la rencontrer, jaser avec elle, elle est vraiment très sympathique. Donc, on vient l'entendre « Toujours l'eau ». On va rester dans le domaine de l'eau avec l'eau, justement, de Mme Annick Granger qui vient de signer une entente avec, je pense, c'est Bell Media. Elle vient de signer une entente qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir diffuser ses 3 premières chroniques, son blog qu'elle faisait, le ruban de la cassette. Donc, avec Radio-Canada, voilà, avec Radio-Canada. Atelier culturel. Ils vont diffuser les 3 premières épisodes de la balado-diffusion, le ruban de la cassette. Très intéressant, allez voir ça. C'est vraiment magnifique. Donc, allez faire un tour sur annickgranger.com/ le ruban de la cassette. C'est vraiment une belle attitude, un beau projet. Donc, je vous invite d'aller voir ça. C'est vraiment intéressant. Donc, on va l'entendre avec l'eau sur laquelle joue un petit guitariste du nom de Rick Hayward. Oui, Rick Hayward. Donc, non, c'est vraiment bien fait. C'est une très belle chanson. Et j'attends ces jours-ci, peut-être d'ici une semaine, j'attends avec grand plaisir un album d'un auteur-compositeur-interprète qui fait du slam, qui fait surtout du hip-hop. C'est Triple A ou Triple A. Et c'est bien sûr Alpha Toshinesa qui a lancé un album tout récemment. J'attends une copie de cet album-là. Je vais partager ça avec vous, ça c'est certain. Mais on va entendre la pièce titre Triple A. Très intéressant. Pour l'instant, voici Annick Granger, L'eau. Par le courant, envolé avec le vent. Si je te dis que je t'attends, je mens. Je veux ton temps impatiemment. Que là-bas je t'attends, je mens. Tu sais que là-bas, tu sais que là-haut, au-delà de toi, y'a que les oiseaux qui savent où ils s'en vont. Mais il y a en moi les flots, comme la rivière, comme le ruisseau. Mic branché, Alpha, disciple DK à la prod. Fils de roi, mais tu galères comme un zonard de luxe. Dans tous les sens du terme, je fais dans l'art de la juxtaposition des symboles. Chaque phrase est annotée d'un mystère qu'il faudra décoder à la clé de sol. En sol occupé par d'étranges visiteurs. Syndrome de l'imposteur, a priori j'ai usurpé ce poste. A posteriori rien de neuf sous le soleil. Sauf qu'à présent en termes de huitième merveille de nous on parlera. Triple A. Mille et une façons d'exceller en une seule vie. Un seul choix pour plusieurs voix. À défaut du million de vues, j'ai été pardonné mille fois. Je sors toujours armé, jamais sans mon gun chargé. D'une parole qui tue l'homme et délivre l'âme. Une lame à double tranche en séparant le vrai du faux. J'ai beau prêcher comme l'apôtre Paul, mais j'ai de vrais défauts. Schizophrène à la David Banner. Parfois je me gêne, parfois j'ai pas de manière. L'esprit ou le rationnel, l'instinct ou la culture. Approprié par les élites académiques. Pas sûr, consulte le petit Robert. D'ailleurs dis-lui qu'on ne tournera pas la page. Et que de Canada jamais on ne sera les Slaves. Ici à l'ouest beaucoup le savent. Trop de stigmates sur nos communautés. Et cela on ne l'oubliera pas. Rap de papa, je tiens à rappeler que même le pape leur a fait savoir qu'il ne s'en excusera. Ah Seigneur, quelle est belle ton épouse dans sa robe blanche entachée de pluie et de cendres devant ses beaux regards. Ça sent la Sensi dans leur sanctuaire au point de ne plus ressentir le ciel ou la terre. Entre père et mère, les baisers sont devenus amers. Même les gosses s'évadent vers une éducation imaginaire. L'Amérique Oh l'Amérique que tu nous as fait espérer avant de nous tromper. Dans ce cirque médiatique, on est tous des charlots. Je suis Charlie Chaplin, ils sont des charlatans. Parmi tous ces pantins, j'aurais été pendu comme ce fruit étrange. Retour à la belle époque où plus personne se dérangeait d'afficher les couleurs de la haine. J'ose à peine croire qu'on a fait du progrès entre nous. Et pourtant je prends de l'avance en louant Yahweh pour mes frères d'armes et toutes les mauvaises langues qu'on a coupées. Les démons décapités, me faut pas qu'on en perde la tête. Garde le cap, aller au top, atteindre la note maximale. Triple A. Mille et une façons d'exceller en une seule vie. Un seul choix pour plusieurs voix. Oublie le million de vues, sois le bienvenu chez toi. Manitoba, bienvenue au paradis. Belle découverte que j'ai faite il y a un an et demi à peu près, Alpha Toshinesa avec un nouvel album, Triple A, c'est la chanson titre qu'on vient d'entendre. Et d'ici une semaine ou deux, là, j'espère recevoir l'album au complet, vous faire entendre d'autres pièces et vous faire découvrir cet artiste merveilleux de la région de Winnipeg, Alpha Toshinesa. Vraiment intéressant. C'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. J'aimerais remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi-Nouveau-Brunswick, CHUO La Radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie, en Ontario. Il y a Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leur coordonner à Canrock CDN, CDN comme Canadien. Donc, Canrock CDN en commercial gmail.com. Je vais rentrer en contact avec eux, voir ce qu'ils ont et sûrement les faire tourner sur l'émission Canrock. Le thème qui vient de commencer, j'ai à peine 20 secondes pour vous dire une seule chose. Allez encourager vos artistes locaux, c'est important, ils ont besoin de votre support. Et vous risquez d'être séduit, ça c'est garanti. Sur ça, je vous souhaite bonne semaine, à la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et en passant, mettez le 2 mai sur votre calendrier. Le gala des prix Triors sera sur la télévision de UNITV. Vous pouvez regarder ça d'un bout à l'autre du pays. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.